Puis eux autres, ils veulent faire monter un petit peu plus haut en vibration, ils vont donner des petits événements qui vont vous rendre conscient de cette force-là dans votre mental. Puis à un certain moment, au début, vous allez vous rendre compte que cette force-là est très grande, puis qu'elle semble vous enlever tout votre pouvoir d'action. Tout votre pouvoir d'action. Vous êtes gelé, là. Votre esprit est affouillé. L'esprit est estomaqué. Puis après ça, quand vous êtes habitué, là, l'esprit n'est pas estomaqué, il attend. Il y a deux phases là-dedans. Il y a la première phase où votre esprit est totalement estomaqué, là. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu, là. Vous avez un champ d'oreille. Comme une inondation de votre maison, vous levez le matin, là, vous avez de l'eau jusqu'à la porte. C'est un exemple. Alors, votre esprit est estomaqué. Puis quand vous êtes mental, il n'y a rien là. Vous descendez dans la cage de chacha, là, pour passer la tête, là. Comment tu veux dire? Je veux dire que faites un événement, là, comme ça, l'exemple, là. Ouais. Moi, là-bas, la toilette en verte, je ferme la porte et je m'en vais, je viens pas le faire. Bon, ben, c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Mais je veux dire, si mon auto, disons qu'elle serait crasse, là, je veux dire, c'est pas grave, c'est de la tôle. Parce que ça me toucherait pas. Mais ils vont toujours toucher où il faut que ça se passe. Évidemment. Pour moi, pas dire, je veux dire, ça vous fait une grosse chose. Pour une autre personne, c'est le plus. Ça veut dire qu'ils si veulent me toucher, ils vont m'inonder. C'est ça. Si il n'y a pas de toilette, ils vont faire sauver les toilettes. On a un vécu. Ils vous prennent toujours, ils vont toujours vous prendre dans vos points faibles, tout le temps, tout le temps. Le principe du concept de la cellule de l'esprit, c'est un principe qui est très, très occulte. On le réalise, ça, ce phénomène-là, quand on a bien souffert. Tu sais, quand on a souffert pas mal, nous autres. Le tourner, quand on a été tourné. Il vient un point, là, c'est bien concret, cette affaire-là. C'est là qu'on développe une volonté extraordinaire. C'est à partir de ce moment-là que ça devient de plus en plus difficile pour eux autres de nous faire souffrir. Parce qu'on n'a plus d'émotion. Parce qu'on n'a plus d'émotion. Ça ne les empêche pas de nous créer des situations, mais ça ne nous touche pas. Parce que quand tu es rendu que tu n'es plus touché, là, comment le monde saute, il y a rien là. Il est là le point. Parce qu'il y a bien des gens qui sont psychiques aujourd'hui, des gens, des spirituels, et tout, donc tu t'imagines qu'ils vont être sauvés, là, t'sais. T'sais, ils vont être sauvés, eux autres. Les petites mêmes, vous autres. Tout le monde va tout écouter. Mais quand ça va venir, les situations, on ne les vivra pas de la même façon. Il y en a qui vont changer de clan. Il y en a qui vont être bien neutres. Il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont compléter, il y en a qui vont se suicider. Il y a toutes sortes de réactions à ces situations intenses. C'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre pendant que ça va bien, relativement. Comment vivre cet étau d'énergie-là qui est dans notre tête quand la toilette saute. Fait que si votre toilette saute, vous capotez, tout à l'heure, quand les tanks vont passer dans la maison, vous allez capoter encore bien plus. C'est ça que je dis. Je vous donne un exemple. Là, ça a l'air hors de contexte, parce qu'on est en 1980. Tout à l'heure. L'homme doit être capable de vivre les événements de sa planète sans être bouleversé. Comme ça, par les événements. Il n'y a qu'une façon, c'est en état mental. En pouvant vivre dans cette enveloppe d'énergie-là qui monte à notre tête quand il se produit quelque chose ou qui nous sert dans le cœur quand il se produit quelque chose. C'est un casque d'astronaute. Puis on le sent, moi je le sais, quand ça se produit, cette affaire-là, ma tête, elle vient. Je me mets dans le centre de ça, là. Je me montre. J'attends. Quand tu te mets au nœud, tu laisses passer le temps. Mais quand l'impression qu'on ressent, là, c'est un empêchement d'énergie qu'on crée, puis ça vient, puis là on l'arrête, parce qu'on a des émotions face à la situation. Maintenant, tu te laisses faire, tout ça arrête, ça part. C'est ça. Parce que cette énergie-là que tu as ici, elle est faite d'émotions.

La volonté que je parle, c'est pas la volonté de tous les jours, là. Joseph Murphy, c'est pas ça que je dis. La volonté que je parle, c'est la volonté qui est une réaction absolue de votre esprit contre l'esprit universel. Puis ça, c'est un équilibre entre vous autres deux. Puis quand vous l'avez, c'est pas pour vous l'enlever, vous l'avez. Ils vous ont amené à ça. Puis ça, c'est une volonté créative. Laissez-moi dire, c'est rare. C'est comme vous êtes autonome avec l'énergie qu'on a accumulée. C'est ça. Vous êtes autonome avec l'énergie que vous avez accumulée. Là, il n'y a plus rien, vous avez. Je suis pas content, quand il arrive quelque chose, merci petit, puis il attend la voiture. Il ne m'a pas amené nulle part. Il attend juste que je ne peux pas venir parler. Je ne pensais pas que ça m'en donnerait. J'ai pris l'attitude, et quand il y a quelque chose, je ne réagis pas, merci beaucoup. Ouais, ok. Ça, c'est la première fois. Mec, tu. Ça fait longtemps que tu. Ouais, d'accord. C'est pas fini. Attends 82-83, là. Attends au mois de juillet 82, là. Juillet 82, là, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Là, tu ne réagis pas à l'énergie. En 82, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Parce que l'énergie va commencer à te bousculer en 80. Tu vas commencer à la sentir en toi, concrètement. Puis c'est là que ça va commencer le phénomène de la volonté. Parce que le phénomène de la volonté, c'est le dernier des phénomènes dans l'homme. La seule chose qui a fini que je combatte, c'est que l'opinion des autres me disait réagir quelque chose. Mais là, je me suis dit de ça, je vais parler. Ouais, ça, c'est au niveau de développer des attitudes créatives. Mais la volonté, ça n'a rien à faire qu'une attitude. La volonté, c'est un pouvoir interne qui résulte de la souffrance. C'est une forme de révolte. C'est une révolte. C'est pas une forme de révolte, c'est une révolte. Parce que vous, tu dis ça t'arrive, ça, là, tu mets la lèvre, tu passes dans le noir, là. Puis là, comme ça, là, ils disent, là, ben là, attends. Ça, c'est parce que t'es écoute, ben là, c'est parce que. Ça dépend de la situation. Ils peuvent te dire attends parce que tu ne peux pas agir. Mais si tu pouvais agir, tu n'attendras pas. Vous autres, au stage où vous en êtes dans le développement de la conscience, vous êtes encore au stage. Vous êtes encore esclaves de l'esprit. Vous êtes conscient de l'esprit. Vous êtes conscient du contact. Vous êtes conscient de la vibration, de la présence en dehors du contact. Mais vous êtes encore esclaves de l'esprit. Il viendra un jour où vous ne serez plus l'esclave de l'esprit. Tant qu'eux autres te disent attends, bien subtil ça. Ça, je suis content que tu aies pas. Eux autres vont te dire attends quand tu n'as pas les moyens. Mais quand tu as les moyens, tu n'attends plus. Je vous donne un exemple. Moi, durant l'initiation, quand j'avais pas une scène, ils vont me dire bon, ben attends, ça va s'arranger dans 3 mois, j'aurai pas le choix. J'attends, puis je développe la visita, puis je développe la visita, puis je développe la visita. Mais aujourd'hui, si je veux quelque chose, puis j'ai les moyens d'aller chercher, ils ne plus d'attendre. Ils ne peuvent plus me dire attends. J'y vais. Parce que je ne suis plus esclave des autres. Mais pour en arriver à plus être esclave de l'esprit, il faut avoir développé une résistance contre la volonté de l'esprit. Puis à ce moment-là, Charlie t'attend. Résister à la volonté de l'esprit. Ouais. Être capable de se rebeller contre. Mais tu ne peux pas te rebeller contre s'ils ne te font pas partir. Pour une résistance, il faut qu'il y ait un mur. Et à un certain moment, ta volonté est tellement forte qu'elle pète le mur. Et à ce moment-là, il y a un équilibre entre ta volonté et leur volonté. À ce moment-là, t'attends. Si t'as les conditions, t'attends plus. Parce que si t'as les conditions, ça fait déjà partie de ton pouvoir d'action. T'attends plus. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit parce que vous êtes encore sujet à la domination de l'esprit sur votre esprit. Exactement. Ça, c'est une des lois les plus occultes de l'humanité qui vient. Il te fouette jusqu'à temps que tu en arrives à prendre le fouet, puis refouetter la condition dans laquelle tu tombes. Accepter que